Ndikomanyanga. Alphonse Kugimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal de ce lundi 27 février 2023, dont voici d'abord le sommaire. Le Conseil des ministres a adopté le projet de construction des entrepôts pétroliers au Burundi pour pouvoir faire face aux difficultés d'approvisionnement en carburant. Vous aurez les détails avec le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. La pénurie du sucre dans la ville d'Ngozi fait que le prix de ce produit, une fois trouvé sur le marché, soit revu à la hausse, passant de 2500 francs le kilo, officiellement reconnu à plus de 3000 francs bout, constat de ce lundi dans une réunion du gouverneur d'Ngozi avec les commerçants. Et la chronique sportive de ce lundi va axer sur l'arbitrage de karaté avec de plus amples explications de Réveillin Banzendoré, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page commerce. La pénurie du sucre fait parler d'elle et au chef-lieu de la province Ngozi. Parmi les causes de la pénurie du sucre figurent des grossistes qui ne résident pas dans cette province et qui la cheminent ailleurs après la réception. Révélation faite lors d'une réunion du gouverneur de cette province avec les commerçants grossistes de ce produit de la Sosumo ce lundi. Réunion visant la recherche de solutions à la pénurie du sucre qui s'observe alors qu'Ngozi reçoit chaque mois 200 tonnes. Parmi les mesures prises, écartées de la liste des grossistes qui ne résidaient pas dans cette province, la mise en place d'un comité qui désormais s'en charge. Les détails avec Apollinaire Muzakar. Les habitants de la province Ngozi ne cessent de grogner ces jours-ci à cause de la cherté du sucre, car le prix actuel est entre 3000 et 4000 francs boule au kilo contre 2500 francs boule normalement reconnu. Le gouverneur de la province Ngozi dit lui aussi être étonné, expliquant que les 200 tonnes allouées à cette province chaque mois sont suffisantes, parlant plutôt d'une spéculation de certains commerces. Dans une réunion avec ces grossistes du sucre, certaines décisions dont rayer de la liste les grossistes qui ne résident pas dans cette province ont été prises. L'effectif de ces derniers passait de 60 à 50 commerces aussi. Ces commerçants de sucre ont été obligés d'installer devant leur échoppe une pancarte visible sur laquelle sont mentionnés le nom du propriétaire et le prix de gros et de détail du sucre. Après échange avec l'administration provinciale, ces grossistes ont mis sur pied un comité de cette personne qui s'occupe de ce problème et qui doivent faire rapport à l'administration chaque fois qu'une telle situation se réapparaît. Ces vendeurs de sucre affirment eux aussi que la quantité donnée à la province Ngozi est suffisante, d'où ils parlent de spéculateurs qui le cachent ou l'acheminent dans d'autres provinces. Raison de cette pénurie en Ngozi, d'Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara pour tout ce détail. Le sous-financement et les problèmes de leadership sont quelques défis qui hantent les organisations non gouvernementales locales opérant au Burundi. Ces avis sont du représentant légal de l'organisation Unisono pour la promotion des vulnérables UPV en sigle. Au moment où l'on célèbre ce lundi la journée internationale des ONG, Méthode Hakizimana appelle les pouvoirs publics à continuer à créer un environnement favorable à la vie des ONG locales. On l'écoute. Les grands défis des organisations telles que nous les avons décrits à travers la rubrique des défis que nous avons rencontrés, c'est presque les mêmes. Il y a d'abord le manque de financement pour les organisations dans le cadre de l'exécution des projets. Ça, c'est au niveau externe. Au niveau interne, il y a vraiment le problème de leadership au niveau des organisations qui risquent de dominer le fonctionnement lorsque les principes de base ou alors les principes selon les règles de la gestion des organisations ne sont pas respectés. Ici, je dois citer qu'il n'y a pas vraiment des documents de référence qui sont très clairs, qui sont très consensuels, qui sont vraiment décrits dans le sens de la promotion d'une communication verticale et horizontale à la fois. La première chose que nous envisageons chez nous, c'est déjà l'activité que nous venons de réaliser. C'est une activité qui va dans le sens de la mobilisation des ressources pour répondre aux grands défis que nous avons cités. Deuxième chose, chez nous, nous avons pensé à mettre en place des outils vraiment très consensuels et qui revêt un caractère vraiment très transparent et qui aspire la confiance de tous les membres. Le défi au niveau des instituts, des pouvoirs publics, c'est quelquefois où les organisations n'ont pas une audience positive à l'endroit de certains pouvoirs publics. Mais je dois quand même mentionner qu'on se félicite qu'aujourd'hui, il y a un espoir, il y a un environnement vraiment qui est favorable pour le travail des organisations visibles. L'actualité continue sur Isanganiro. La pénurie du carburant, surtout de type essence, reste toujours une triste réalité au Burundi. Le LOCOM, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, estime que la situation émane du manque de devises dans le pays. Et pour en avoir, il faut notamment qu'il y ait production industrielle, facilitation des investissements, etc. Suivez plutôt Gabriel Fili, il est au micro de l'ancien tarif. Pour nous, il faut que le gouvernement vraiment se force à juguler cette situation. Pour la juguler, il n'y a pas de meilleure solution. Il faut d'abord produire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut ouvrir tous les canaux pour avoir les devises. La principale source de devises, c'est la production industrielle. Ce que nous produisons pour exporter. Mais cela, c'est à long terme. Mais aussi, il faut des investissements. Quand il n'y a pas des investissements en provenance de l'étranger, c'est vraiment problématique. Mais aussi, il y a la coopération de développement. Il y a le tourisme. Il y a la diaspora. Donc, tous ces canaux, ce sont des canaux où on peut trouver des devises. Pourquoi pas? Si le gouvernement n'est pas capable de le faire dans les meilleurs délais, il faut contracter une dette. La dette, mais il y a des conditions pour avoir de la dette ou demander des appuis, des aides aux pays amis. Mais pour ce faire, il doit y avoir des stratégies. Quand même, ce n'est pas normal qu'un pays comme le Burundi, qui ne produit pas des produits pétroliers, qui ne dispose pas, donc qui n'a pas accès à la mer, puisse vraiment rester comme ça, sans rien faire. Quand même, plus d'une année, avec des pénuries périodiques des produits pétroliers, quand même, c'est très dangereux pour l'économie burundaise. Tous les indicateurs économiques sont au rouge. Et cela devrait quand même faire peur à tous les Burundais, plus particulièrement à ceux qui nous dirigent. Si la situation reste comme ça, ça va être problématique. C'était la Gabrielle Fili, présidente de l'OLICOM. Le Conseil des ministres a adopté le projet de construction des entrepôts pétroliers au Burundi pour pouvoir faire face aux difficultés d'approvisionnement en carburant. Un consortium des sociétés spécialistes en la matière a été autorisé pour construire des édifices dans certaines provinces du pays. Mais il a été recommandé que le prix à l'importation soit préétabli, mais aussi encourager d'autres investisseurs à opérer dans le secteur. Suivez plutôt Prosper Ngwamiye, porte-parole du gouvernement et secrétaire général. Le Burundi connaît actuellement un dysfonctionnement dans la gestion du secteur pétrolier caractérisé par l'irrégularité de l'approvisionnement, ce qui entraîne forcément l'insuffisance du carburant dans les stations-service. Ces difficultés d'approvisionnement en carburant ont un impact sur la fluctuation des prix vers la hausse de tous les produits vitaux. Actuellement, le grand souci du gouvernement est d'ériger en urgence ses propres entrepôts sur certains sites jugés stratégiques sur tout le territoire national afin que les consommateurs puissent aisément s'approvisionner. C'est dans ce cadre que le ministère, en ayant la gestion du carburant dans ses attributions, a procédé à la recherche d'un partenaire fiable pour la construction de ces édifices. Le consortium des sociétés dirigé par la société Excel Extra Engineering Construction, spécialisée dans la construction des parcs pétroliers et qui avait présenté la lettre d'intention irrelative, a été retenu. Les sites identifiés proposés pour abriter les futurs parcs pétroliers sont situés respectivement à Rumonge, Makamba, Gitega, Changuzo, Ngozi et Chibitoke. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a apprécié le projet tout en recommandant ce qui suit. Le prix à l'importation doit être préétabli. Évitez de donner à l'investisseur l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers, mais laissez les autres opérer dans le secteur. Autorisez l'importation des produits pétroliers après la construction des entrepôts. Montrez le projet sous forme d'un partenariat public-privé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons route à présent, le boulevard de l'Indépendance au centre-ville de Bujumbura est jonché de nids de poules. Un boulevard réputé accueillir plusieurs festivités nationales. L'année passée, ces nids de poules avaient été bouchés en préparatif de la fête de l'Indépendance. Lors de notre passage ce lundi, les piétons rencontrés pensent que ce boulevard devrait être en bon état vu sa renommée. Les détails avec Olivier Ndaïsabre. Des nids de poules sont parsemés ça et là le long du boulevard de l'Indépendance qui est d'une importance capitale dans la vie nationale. À partir de la jonction de cette voie urbaine avec la chaussée Prince Louis Agassoré, tout près de la librairie Saint-Paul, jusqu'à l'autre bout donnant au boulevard de l'Iprona, on voit des trous qui rendent difficile la circulation routière. Même tout près du stade Inouari en construction, et dans les parages de l'ancienne présidence de la République, on observe ces nids de poules. Le boulevard de l'Indépendance abrite annuellement la grande cérémonie de la commémoration de l'indépendance nationale et à certains moments d'autres rassemblements d'envergure publique. Les passagers que nous avons rencontrés ce lundi disent être préoccupés par l'état de ce boulevard et demandent sa réfaction qui, selon eux, non seulement elle doit être en bon état, mais aussi embellie. Rappelons que dans le souci d'améliorer l'infrastructure routière, le chef de l'État a lancé l'année dernière, le 12 juillet, la campagne Zéro Nid de Poule en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Radio Isanganiro, chronique sport. Le sport de karaté est officié par un arbitre central qui doit être assisté par 4 et à 7 juges dont le rôle est d'attribuer les points. Révérien Banzendoré, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté, indique que l'attribution des points se fait en se référant au règlement international régissant le sport de karaté. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Nguindakoumane. Lors des compétitions du sport de karaté, le rôle d'un arbitre central est de proclamer les résultats, tandis que les juges sont chargés de l'attribution des points. Explication de Léverien Banzendoré, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté. Le corps arbitral pendant la compétition, pour les compétitions comité, c'est 4 juges et un arbitre. Et l'arbitre là, il est chargé de proclamer les résultats ou les points attribués par 2, 3 ou 4 juge. C'est-à-dire que, par exemple, un arbitre, quand il est central, dans ce cas, il peut donner des points suivant l'appréciation des juges. C'est-à-dire que les juges sont chargés des points et l'arbitre est chargé de la proclamation de ces points. Il ajoute que dans les compétitions internationales, les arbitres peuvent jouer le rôle de juge, mais qu'un juge ne peut pas devenir arbitre. On commence par être juge et on devient arbitre après. Donc, dans les compétitions internationales, si on est déjà arbitre. On peut être juge, mais un juge ne peut pas devenir arbitre dans la même compétition. Et dans ce cas, on peut avoir des arbitres qui peuvent devenir des juges, mais les juges qui restent seulement juges, c'est-à-dire qui sont assis seulement et ne peuvent pas aller faire la compétition ou bien faire leur rôle étant arbitre. Ce président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté fait savoir que l'attribution des points dans le sport de karaté se réfère au roi international régissant ce sport. Et lors d'une compétition, je dirais qu'un arbitre a des devoirs et des droits. C'est-à-dire que ce qu'il doit faire, ce qu'il a droit de faire, c'est ça qui doit guider l'arbitre. Parce que par exemple, pendant la compétition, l'arbitre il est chargé de diriger la compétition suivant ces règlements-là établi par la Fédération mondiale de karaté. Dans la prochaine chronique sportive, Léverien Banzendoré expliquera les critères exigés pour devenir un arbitre de karaté. Actualité internationale. En actualité internationale, avant sa tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron a fixé le cap de sa politique africaine. Le président français Emmanuel Macron présentera depuis l'Élysée ce lundi un nouveau discours sur les orientations de la politique africaine dans les années à venir. Il intervient juste avant le début d'une tournée du président français dans 4 pays d'Afrique centrale, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Visite historique du chef de la diplomatie égyptienne en Syrie et en Turquie. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, entame ce lundi une tournée qui le mènera à Damas en Syrie, puis en Turquie, deux pays avec lesquels l'Égypte avait de mauvaises relations et envers lesquels l'Égypte veut témoigner de son soutien et de sa fraternité après le séisme, a indiqué le ministère des Affaires étrangères au Caire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kugiman qui était de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikumanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue sous-régionale avec Marie-Claire et Moïse. Actualité régionale. Bonjour à vous et bienvenue à cette revue de la presse régionale. Débutons cette revue par la RDC où l'aviation humanitaire de l'ONU suspend temporairement ses vols à cause de l'insécurité. Un hélicoptère de la Commission européenne chargé de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire a été touché par balle vendredi dernier alors qu'il effectuait son vol retour sur Goma en provenance de Walikale au nord Kivu, lit-on sur actualité.cd. L'appareil au service de la compagnie humanitaire de l'ONU avait à son bord 10 passagers et 3 membres d'équipage. L'hélicoptère a pu se poser normalement à Goma et les 3 membres d'équipage et 10 passagers qui étaient à bord sont heureusement indemnes. Actualité.cd. Toujours en RDC, la France a annoncé dimanche 26 février, dans le dossier de presse de l'Élysée, la tournée africaine du président Macron qui se clôturera le 5 mars à Kinshasa en RDC, rapporte l'agence congolaise de presse. La visite du président français, prévue du 1er au 5 mars 2023, commencera par le Gabon du 1er au 2 mars, puis en Angola et en République du Congo le 3 mars, avant l'étape de Kinshasa. Emmanuel Macron sera accompagné d'une importante délégation française et européenne, lit-on sur Okapi. Cette tournée en Afrique centrale, 18e déplacement du président français dans ce continent, est une nouvelle opportunité pour lui d'appréhender l'Afrique dans sa complexité et de saisir davantage les transformations profondes qui s'y jouent, rappelle l'agence congolaise de presse. Actualité régionale. En Ouganda, la police a arrêté un médecin de la ville qui aurait donné à une femme de faux résultats de dépistage du VIH dans le but de l'inciter à avoir des relations sexuelles avec lui. Selon le journal ougandais The Monitor, le suspect a été arrêté dans l'hôtel de Biva, dans la division de Rubaga à Kampala, où il aurait amené la victime pour avoir des relations sexuelles avec elle lundi dernier. Le porte-parole agent de la police métropolitaine de Kampala, Luke, a déclaré que le harcèlement sexuel avait été déjoué après que la victime eut informé les autorités à temps et que la police eut retrouvé le suspect. Au Kenya, l'administration du président kenyan William Ruto veut que l'Occident impose des sanctions, y compris une interdiction de voyager contre le chef de l'opposition, Raila Odinga, pour ses appels à l'action de masse et le rejet de sa victoire électorale. Selon le journal de Citizen, des législateurs et des politiciens alliés à l'administration ont révélé au Sunday Nation une série d'actions qu'ils souhaitent que les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays occidentaux prennent contre M. Odinga, qu'ils accusent de déstabiliser le gouvernement. Dans les colonnes du journal The East African, le président Paul Kagame a déclaré qu'une ligne rouge avait été franchie dans la crise congolaise lorsque Kinshasa a permis aux forces anti-rwandaises basées en République démocratique du Congo de bombarder le pays et de tuer les citoyens innocents. Dans une interview accordé à ce médium à Kigali, la capitale du Rwanda, mercredi dernier, le président Paul Kagame a déclaré que le gouvernement de la RDC avait armé les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, un groupe rebelle actif dans l'est de la RDC avec des armes modernes. Les FDLR ont évolué directement à partir des milices. Ainsi s'achève cette revue de la presse régionale. Elle vous a été préparée et présentée par Marie-Claire Kazeneza et Moïse Misago. À la prochaine. Actualité régionale.